Et est-ce qu'il y avait des plats qu'on faisait pour des occasions spéciales, par exemple pour les fêtes, il y avait des plats qu'on faisait particulièrement? Bah, vous savez, avant on faisait les boursautes ou la crescente. Ça, c'était des plats qu'on faisait que pour des fêtes. Les fêtes. Les ganses. Les ganses. Les ganses. Après, il y avait les barbadjouans. Ah, les barbadjouans aussi, en fait. Oh oui, ça se faisait aussi, oui. Et c'est pas pareil que les boursautes? Ah non, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est comment, alors? C'est pas du tout pareil, les barbadjouans. Ah, vous l'avez compris, la recette des barbadjouans? Je veux les deux, les boursautes et les barbadjouans. Vous l'avez, les barbadjouans? Non, je ne les ai pas. Non, non. Les barbadjouans? Oui. Mais ça se fait qu'en hiver, hein, aussi. Et on l'étend. Bon, moi, je ah, mais c'est bon, je ouais, ça. La même chose. Et ça, c'est une recette de Bray? Ah oui, oui, oui, barbadjouan, oui. Vous avez marqué le nom barbadjouan? Oui, barbadjouan. Je ne sais pas comment ça s'écrit, Martin. Barbadjouan, oui. Et ça, votre mère, par exemple, elle en faisait ou... Ah oui, oh, ça c'est vieux, hein. C'est pas de nous, hein, ça. Ah bon? Oh, ça, ma grand-mère, elle en faisait aussi. Les plats, ce sont des plats qui datent de... C'est comme tous des plats que vous avez appris de votre mère? Ah oui, ça vient de famille en famille, hein. Ah oui. Eh oui, c'est ça. De génération en génération, c'est ça. Vous les écriviez sur un cahier, ces recettes? Ah non, non, c'est comme c'est ça. C'est tout dans la tête. Mais vous en faites souvent des barbadjouans, des boursautes? Ah ben l'hiver, oui, oui, oui. Oui, oui, les boursautes. Vous en faites pour la semaine ou vous en faites le dimanche? Ah non, on l'a fait non, pour un jour, ça, on l'a fait pour le samedi ou dimanche quand il vient les enfants. Il y a un problème qui se pose pour la jeunesse. C'est que ce plat-là demande énormément de temps. Et oui. Comme les boursautes. Rien pour faire les boursautes ou pour préparer le légume, il faut du temps, vous savez. C'est quoi le légume? C'est du poireau qu'on met. Poireau et des blettes. Des blettes aussi. Ah oui. Oui, alors le poireau, on le lave, bien sûr, oui. Et on le coupe à petits morceaux. Et la blette, c'est pareil, hein, on la coupe à petits morceaux. Tout cru alors, toujours. Cru toujours. Ah oui. Ah ben c'est-à-dire qu'on fait cuire, hein, maintenant. Ah. Alors là, on met de l'huile et on fait cuire le poireau. On fait revenir le poireau. Oui. Et il en faut, hein, du poireau, vous savez. Ah bon? Eh oui, hein, on n'en met pas qu'un, hein. Ben, c'est-à-dire que lorsqu'on en fait, on en fait quand même un fait tout comme ça, alors il en faut. Il en faut trois ou quatre au moins, hein. Alors on fait revenir le poireau, et dans ce poireau, moi j'y mets aussi des blettes. Mais enfin, hein, quand le poireau est... Je mets des blettes, et j'y mets de l'eau. Alors la quantité, ça vous savez, ça va d'après la quantité que vous voulez faire. Hein. On met pour couvrir ou on en met moins que ça? Eh bien on couvre les poireaux. Ah, hein. C'est ça. Les poireaux et les blettes. Alors, on sale un peu, hein, pas beaucoup. Mmh. Voilà, et quand ça bouge, je mets le riz. Vous en mettez beaucoup de riz? Eh oui, 200, 300 grammes, 500 grammes, ça dépend ce qu'on veut faire, la quantité, vous voyez. Mmh. Alors, moi, je ne mesure pas et je ne pèse pas, je vais comme ça, quoi, dans l'habitude, alors ouais. Je fais pas attention. Alors donc on laisse cuire ça, doucement, ce riz il faut qu'il cuise avec le poireau et les blettes. Si on n'a pas de blettes, on met des épinards, enfin ça n'a pas, c'est de la verdure, hein, qu'il faut. Mm-hmm. Il faut quand même que la verdure, elle prime le riz, vous voyez. Oui. C'est ce qui fait bon, quoi. Mm-hmm. Alors, pendant que le riz est cuit, je prépare mes anchois. Alors j'enlève l'arête, je les lave bien, et s'il y a des petites arêtes, je les enlève, enfin. Et je prépare mon fromage. Et là, du fromage, il en faut, hein. Il ne faut pas faire voir, hein. Ah bon? Ah oui. Toujours du fromage. Oui, il en faut du fromage. Et puis alors, quand le riz il est cuit, il faut qu'il soit consistant, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, hein. Je l'enlève sur le feu. Et j'y mets les anchois et je continue à tourner. Et les anchois elles se fondent, vous voyez. Quand les anchois sont bien fondus, que j'ai bien tourné, enfin que tout est bien macéré, je vide le fromage. Mais pas sur le feu, hein, toujours en dehors de... Et voilà, c'est fini. Alors là, il faut goûter, vous voyez, s'il n'y a... Qu'il y ait pas trop de sel, hein, parce que c'est l'anchois qui sale après. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais oui. Okay. Et du fromage, voilà. Mmh. L'anchois, ça, c'est la farce, quoi. C'est la farce. Et la pâte, ça se fait comme la pâte de la tourte. Mmh. Toujours un peu d'huile, un peu de sel et de l'eau pour ramasser la farine. Alors ça, il faut que ce soit froid. Hein. Le riz, la farce, il faut qu'elle soit froide. Hein. On peut pas... C'est ça qu'on la fait toujours la veille, vous voyez. Mettons, si on veut faire les boursottes pour midi, demain, ben, ce soir, il faut se préparer la farce. Parce qu'il faut que ce soit froid. Le travail. Et oui, c'est pour ça que les jeunes de maintenant ne peuvent pas faire ça, qu'est-ce que vous voulez. Celles qui ne travaillent pas encore, ça va, mais si on travaille, vous savez, quand on arrive le soir, on n'a pas envie. Ou alors, si c'est un vendredi soir, mettons. Oui, c'est ça, il faut vraiment, c'est voilà. Exceptionnel. C'est très long. Parce que qu'est-ce que vous voulez? C'est quelque chose qu'on ne peut pas en faire une douzaine, il faut en faire quand même. Comme on est en principe, la farce, quand on la fait pour deux fois, vous voyez. Alors, on la fait en, les boursottes, on les fait en deux fois. C'est-à-dire qu'on en fait deux demain, puis on en fera deux après-demain, vous voyez, pour les avoir chauds. Parce que la pâte, c'est vite fait. Ah, la pâte, c'est vite fait, il faut qu'elle reste quand même une heure. Hein. Et vous l'étalez au rouleau ou vous avez une rouleau. Machine? Non, tout au rouleau. Tout au rouleau. C'est travail. Et oui, justement, vous voyez, c'est très long. Alors après, on met tous des petits tas, vous voyez, sur la pâte, et puis on retourne comme ça, on coupe avec la roulette, et on fait... Les petits trucs. Oh, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Il faudra bien que je me dessine. J'en fasse un peu. Oui. Parce que c'est du travail. Hein. Mais ça, autrefois, on en faisait beaucoup, ou alors c'était seulement pour les jours de fête qu'on Mais ça, on les faisait pour les jours de fête. Hein. Pour les baptêmes, les mariages, vous voyez, oui, la Noël. Enfin, le jour de l'an, on faisait des boursottes, on faisait. Eh, oui.